Ici Jean Perron. Si vous voulez être informé au niveau du sport, écoutez 70% et vous allez tout savoir que... En tout cas... Les lundis douteux. Chaque lundi, depuis 10 ans, au pub Brouhaha, 5860 avenue de Lorigné. Chaque semaine, un film louche, un humoriste de la relève, l'enregistrement en direct de 70% et un set de VJ invités. Les lundis douteux. Apporte ton sourire et tes cousines. Puis dis-leur que c'est toi qui paies parce que c'est gratis. Wow. Hey, salut tout le monde, mon nom est Tommy Godette, je suis animateur et hôte de cette soirée qui s'en vient. On commence le mois d'avril, c'est quelque chose qu'on vit toujours à chaque année, jusqu'à temps qu'il change le mois d'avril pour un autre, hein, parce que ça peut se renommer. On a une excellente soirée pour vous, encore une fois, le meilleur show gratuit du lundi au monde. Je reviens de Rouyn-Noranda, je vais vous en parler, c'est sûr, en soirée. Sinon, ben, on termine avec L'Homme hologramme. C'est un film dans lequel Evan Lurie, je veux pas vous surprendre, rien... Il joue un cyborg. Evan Lurie est un cyborg. Dans le fond, c'est un univers dans lequel il vient d'avoir le film qui s'appelle Demolition Man, je pense. Et pour emprisonner les criminels, il les transforme en hologramme. Et là, ils se font reconditionner. C'est un petit peu comme dans Harry Potter, mais en CGI, vraiment alerte, puis tout le monde est habillé en jumpsuit. Puis il y a Evan Lurie. Et là, Evan Lurie va réussir à sortir son hologramme de la machine à hologramme. Il va donc gagner le pouvoir d'être CGI dans n'importe quel décor cheap. Et à partir de là, la force du mal ultime va se réveiller. C'est un excellent long métrage. Sinon, ben, juste avant, on a deux VJ pour le prix d'un. C'est-à-dire, ça vous coûte zéro pareil. Là, mais je veux dire, on va avoir Toto, qui est d'habitude plutôt George W. Bush. Et on va avoir Simon Cussonnet, qui d'habitude est... plutôt François Mitterrand. Donc, les deux vont se parler au micro et ça devrait être une très belle manière de commencer le mois d'avril. Juste avant notre set de vidéo, on va avoir une performance live de notre house band invité, Matté Luna, mesdames, messieurs. Oui. J'étais au lancement de leur album au Patrovice il y a quelques jours. Est-ce que vous en avez à vendre ici ce soir, si jamais? On me fait signe que oui. Sinon, ben, allez voir leur Bandcamp, sinon on va leur reparler au fil de l'émission. Parce que c'est un enregistrement de podcast qui commence dans quelques instants. C'est l'enregistrement de 70%. Et ce soir, on a un zombie comme invité. J'ai très, très hâte de voir c'est quoi que ça va donner. Pour ceux qui nous écoutent en podcast, ben il est là puis ça pue, je vous le jure. Et sinon, ben... pour débuter cette soirée, s'il vous plaît, mesdames, messieurs, on peut applaudir Isabelle Sasseville maintenant. Merci, Tommy. Avec plaisir. Hey, c'est long, ben, le fun, allô, douteux. Hey, je vais m'installer, puis tout. Hey, moi, j'étais là, j'ai de la pression, puis tout. Pis, hey, comme, je vais pas topper ça, moi, l'homme hologramme, puis le zombie, man. Hey, fait que pour ceux qui me connaissent pas, moi, c'est Isabelle. J'ai 27 ans depuis 4 ans déjà. J'ai étudié en théâtre. Bon, il y en a qui se disent « Ah oui, mais ça, ça fasse, me dites quoi? » Eh bien oui, hein, vous m'avez sans doute déjà vu en train de desservir des tables dans un restaurant. C'est... Oui, merci, c'est gentil. Ouais, j'ai pas travaillé beaucoup comme actrice. Peut-être que certains d'entre vous se rappellent de ma performance de cliente numéro 3 dans l'Auberge du Chien Noir en 2009. Hein? Ce jour-là, le réalisateur m'avait dit « Tu vas l'avoir ta ligne à un moment donné, ma pitoune. » En carrière, la seule ligne qu'on m'a offert, c'est dans les toilettes au Party des Gémeaux. Oui, j'étais tellement pauvre, j'ai même pas sniffé. J'ai attendu que tout le monde passe, puis je suis partie avec le 20$ pour payer mon épicerie. Maintenant, je suis réorientée. Je travaille comme adjointe administrative. Ça veut dire secrétaire débutante dans la langue du déni. Concrètement, ça veut dire aussi que je gagne 2/3 du salaire d'un homme à travail égal, mais que mes amis de gars m'appellent quand même pour m'emprunter de l'argent. Sinon, des fois, au travail, je tombe dans l'une, puis j'imagine ma vie. Si j'étais pas une secrétaire, j'essaye de pas me faire pogner parce que c'est jamais le fun de se faire demander « Pourquoi tu pleures à 10 heures le matin? » quand tu es en train de te faire des micro-cotes avec les petites dents sur la roulette de tape? Dans ce temps-là, je ne sais pas pourquoi, je pense à Madame Bovary. Hein? Madame Bovary, pour ceux qui ne connaissent pas ça, c'est un roman français. C'est l'histoire d'une femme qui s'ennuie, qui trompe son mari et qui se suicide. C'est exactement comme lire la vie d'une participante d'Occupation Double, en ce sens que personne ne tient ses promesses puis tout le monde est déçu. C'est sûr que le livre aurait été plus le fun si Madame Bovary avait fait « Hey, you know what, fuck it, m'a partir on the road avec la vieille jument, m'a vendre mes poèmes pour de la boisson, m'a me faire tatouer Carpe Diem sur une boule, fuck le mari, fuck le bébé, je veux vivre, YOLO, calice! » C'est pas ça qui est arrivé, c'est tellement pas ça. Personnellement, c'est le livre le plus plate que j'ai lu de ma vie, c'est pourquoi j'adore l'offrir en cadeau. Avec une petite carte qui dit « Cette histoire m'a beaucoup fait penser à toi. » Oui, puis les gens, ils veulent le lire jusqu'au bout, hein, parce qu'ils cherchent le compliment, là, mais non. Elle se suicide, son mari meurt de chagrin, puis leur enfant devient orpheline. Joyeux Noël, Chantal des Ressources humaines! Sinon, le secrétariat, c'est un sport dangereux. J'ai subi une opération pour le tunnel carpien cet hiver. Le chirurgien qui m'a fait ma chirurgie, c'était un chirurgien plastique. Comme quoi, même en médecine, les mains puis les totons, ça va ensemble. J'ai eu une infection aussi post-opératoire. Ça fait mal. Ils m'ont donné de la morphine. Ça fait voir des papillons. Hein? Puis la pénicilline, ça fait faire des champignons. Pour contrer la vaginite, j'ai mangé beaucoup de yogourt. J'ai continué à prendre la morphine. Résultat, j'ai vomi. J'ai vu des papillons dans mon yogourt. Sinon, pendant ma convalescence, je ne suis pas sortie beaucoup. J'ai regardé beaucoup le site de Météo Média. Hein? Chaque semaine, il y a un petit sondage. Au début du mois de janvier, la question, c'était « Une vague de froid sévit présentement sur le Québec. Êtes-vous d'accord? » OK. Mettons qu'on répond non. On devient-tu tropical? Y a-tu quelqu'un qui compte? Parce qu'on a réussi à sortir beaucoup de gens dans la rue pour la gratuité scolaire. Moi, je suis willing de trouver 2-3 personnes qui vont aller voter sur Internet pour qu'on pèle plus jamais. Hey, nos habitudes de vie changeraient beaucoup, par exemple. Hein? Je pensais à ça. On reviendrait tout le soir de nos jobs tropicales, tu sais, genre lifeguard, professeur de surf. Moi, je serais géo au Club Med de la Bay James. Je rentrerai chez nous le soir, j'irai promener mon tigre. Puis après ça, je reviendrai, puis je me ferai un bon steak d'antilope du Québec avec des ananas des cantons de l'Est, puis de la papaye de Chibougamau, là, quand on sera en saison. Mais il y a juste une affaire qui me gosse. Si on devient tropical, on fait quoi avec le Beach Club à Pointe-Calumet? Moi, je dis qu'on garde toutes les douchebags dedans, puis on fait genre des combats de gladiateurs, tu sais. Moi, je serais prête à payer pour voir des gars avec trop de muscles dans le cou se taper sa gueule avec des parasols Coors Light. Sinon, y a pas juste la météo hein, sur laquelle on n'a pas le contrôle. La peur, par exemple. Ça, c'est quelque chose de complètement irrationnel. Moi, je suis réputée dans la vie pour savoir garder mon calme dans les situations délicates, hein. J'ai tellement de sang-froid, si j'en donnais à Croix-Rouge, ils pourraient juste le laisser sur le comptoir, s'en servir plus tard. Mon Dieu, merci. Elle était pas si haute que ça. Écoute, je sais plus où je suis rendue avec ça. Oui! C'est ça. Mais moi, j'ai peur d'une chose dans la vie. Une affaire. Mais je veux dire, ça fait pas de moi une femme moins capable, moins compétente. Je veux dire, il n'y a pas de raison d'avoir honte. Tu as l'air d'avoir honte. J'ai tellement honte. Moi, il n'y a pas longtemps, j'ai paniqué parce que j'ai eu une souris dans mon appart. Il était 2h du matin, je vous explique vite. Là. J'étais réveillée, mais comme j'ai pas d'enfant, c'était ma décision d'être debout. Hein? Fait que j'étais heureuse. J'étais en train de plier ma dernière brassée parce qu'il n'y a pas d'heure hein, pour être plate. Quand soudainement, il y a une espèce de petite boule gris-brun qui est sortie d'en dessous de, tu sais, la jupette de lit. Là, il faut que je prenne 30 secondes pour vous expliquer mon lit, OK? Dans la vie, on essaye tous d'être des adultes et on échoue tous, lamentablement, à plein de degrés différents. Moi, dans cette échelle d'adulte-là, je suis à peu près dans le milieu. Pourquoi je ne suis pas plus haute? Vite de même, je dirais un diplôme en théâtre, mon absence de REER puis mon tabarnak de lit. Moi, j'ai pas de base de lit. J'ai deux sommiers, puis le pire des matelas par-dessus ça. Fait que j'ai acheté une jupette pour cacher mes mauvaises décisions. Fait que la souris est partie se cacher derrière la sécheuse. Ça s'est passé super vite, mais je sais que j'ai pas halluciné. Parce qu'une souris, c'est comme un gars qui court tout nu sur un terrain de football. tu sais jamais si c'est ça jusqu'à temps que tu y vois la queue. C'est weird, le cerveau, pareil, hein, parce que les autres rongeurs, j'ai pas de problème. Je veux dire, les furets, les hamsters, les gerboises, les cochons d'Inde. Oh my God! J'aime tellement les cochons d'Inde! C'est une maladie mentale. Schizophrénie, trouble anxieux, cochon d'Inde. Je veux dire, je vire folle. Quand j'écoute les nouvelles sur mon ordinateur, souvent, je suis là et je fais « Ah oui, une vidéo à Alep, l'explosion d'un drone a fait 2 morts et 10 de blessés. Oh my God, une vidéo de cochon d'Inde qui mange du persil! 253 666 liens, connex, go! 8 heures plus tard, je suis encore là. Mais je veux dire, ils font... Tu sais, comment résister à ça? Puis même les rats... Pas de problème, je veux dire, on s'entend, un rat, une souris, c'est la même calisse d'affaires, mais plus gros, je veux dire. Un rat, c'est comme une souris américaine. Hein? Mais dans le fond, il n'y a pas de mal à avoir un problème, une peur panique des souris, jusqu'à temps que t'aies des souris. Hein? Moi, je vis dans une vieille bâtisse. Je suis très consciente qu'il y a autant de souris dans mes murs que de gens dangereux à la tête des États-Unis. Mais... là, il y en a une qui a trouvé le chemin. Fait qu'elle va revenir. Moi, je suis pas capable de gérer 80-90 souris avec des petits bandeaux ninja puis des petites machettes qui me regardent en faisant « Nourris-nous, grosse crise de charogne! » Parce que parenthèse, là, il y a bien des gens dans ma vie qui m'ont dit que Cendrillon, c'était un mensonge parce que le prince charmant n'existe pas. Non, non! Cendrillon, c'est un mensonge parce qu'on essaye de nous faire croire que des souris, c'est des petits êtres sympathiques avec les skills de Coco Chanel. Okay? Une souris, concrètement, ce que ça fait, ça mange ta bouffe, ça va la chier 1 mètre plus loin et ça calisse son camp. Ça vient pour le festin puis ça reste pas pour l'ambiance. Hein? Fait que là, je me mets à paniquer. Puis là, je check par terre pour trouver le premier signe d'infestation, les petites crottes. Hein? Je vais vous dire que quand tu paniques, tout ressemble à des crottes de souris. Toi, mon ami, si tu sais pas c'est quoi le désespoir, là, je te dirais trier des mousses de bas puis des vieilles graines de lin en pensant que c'est des petites crottes. Hein? Fait que là, j'ai fait la chose que je me suis dit que j'allais jamais faire en situation de crise. J'ai appelé un homme à ma rescousse. Un homme, c'est vite dit. J'ai appelé mon chum. 5 et 6, le shape d'un hobbit, plus dans la vie à faire avec les souris d'ordinateur qu'avec les souris qui me terrorisent. Mais bon, c'est tout ce que j'avais sous la main. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ça a été plus facile que je pensais de piler sur mon orgueil parce qu'il était déjà par terre avec les mousses de bas puis les graines de lin. Quand il a répondu au téléphone, ça sonnait un peu comme... Allô? Lui, il a une vie. Fait que je l'avais réveillé. Fait que là, j'y ai dit, « Je peux pas te parler trop fort. J'ai une souris dans mon appart. Là, je sais pas où ce qu'elle est, mais elle sait où ce que je reste. » Et là, il a été parfait. Il m'a dit d'aller me coucher, que c'était juste une petite souris, qu'elle avait probablement plus peur de moi que moi j'avais peur d'elle, avec une petite voix douce. Fait qu'après 10 minutes de braillage au téléphone, il était chez nous. Moi, c'est récent, mon couple. Hein? Fait que j'ai encore envie qu'il me trouve sexy et mystérieuse en tout temps. Là, quand il est arrivé, j'étais juchée sur mon sofa, en pleurs, en bobette puis en T-shirt, les cheveux de même. Mon aura de mystère, comme qui dirait « crisser son camp », est allée rejoindre le cadavre de mon orgueil dans la cuisine avec les mousses de bas puis les graines de lin. Il a fallu que je passe un petit balai après. Mon prélard était loadé. Bref, il m'a demandé si j'avais vu la souris récemment. J'ai dit, ben non. J'ai dit, je l'aurais pas manqué. Mon appart, il est gros comme mon cul. Mauvais exemple. J'ai pas un gros appart. On a tassé la sécheuse, hein, puis derrière la sécheuse, il y avait un trou. Ah, avec probablement une souris à l'intérieur. Moi, j'ai été très exploratoire au cégep. J'ai jamais été terrorisée par un trou de même de toute ma vie. Puis là, il l'a bouché avec, tu sais, le gros tape industriel, là. Sérieusement, si vous voulez mesurer l'amour que quelqu'un vous porte, faites-y manier quelque chose de collant dans de la poussière à 2h du matin. Je me suis vraiment demandé comment la souris avait fait pour rentrer là, pareil, parce que c'est un bétail de souris, là. Un pouce et demi, facile. Puis je veux dire, le trou, c'est gros comme un 10 cents. Je veux dire, fuck you, rongeur. Moi, si je me rentre les bajoux puis je vais magasiner des jeans, je ne rentre pas dans un small. C'est tout pour moi. Merci beaucoup. Isabelle Sasseville, mesdames et messieurs. Je vais en mettre là. Bonsoir. En manchette ce soir, papier de toilette, écureuil et pénis. Et pour vous faire l'amour au lobe frontal ce soir, Andy Jacques, Tommy Colin-Vallée, Marianne Tremblay-Gosselin, Mathieu Boudreau, Toto Lavigne avec les bruits de Mateluna en house band et l'éloquence de notre invité, un zombie, en direct du brouhaha à 70%! Pourquoi donc se donner à fond pour un projet quelconque? Pour s'épargner la déception, c'est plus sûr d'y aller doucement. Tout petit peu, c'est mieux que rien. Contentons-nous dans les copains. Ensemble, on donne notre 70%. Ou on pourrait régler la famine, reconstruire des pays en ruine, se bâtir un monde utopique pour la paix et l'harmonie. Si on se donne au maximum, ou au pacifisme, moi je donnerai pas plus que mon 70%. C'est devenu ma philosophie, j'espère que ce sera la vôtre aussi. Toujours donner au mieux son 70%. 2, 3, 4. Ah, de toute beauté. Merci beaucoup, Mateluna. Comment t'as dit? La dernière fois, on a joué puis tu parlais par-dessus. Fait que j'étais confus. Ah, mais. Mais c'est correct, en fait. Ça s'améliore à chaque fois, c'est parfait. Yeah! C'est ça. Là, la prochaine fois, je vais savoir quand tu dis 2, 3, 4 puis vous faites un petit beat vraiment génial. C'est là que j'arrête d'écouter. Je sors de transe. Et je m'implique dans ma job d'animateur. Merci beaucoup à Mateluna. Allez voir leur Bandcamp, puis ils viennent de sortir un album. As-tu vu, Mo, il est dans la salle, gars? Il a rencontré Géant à un mariage. Crime. Géant, il a fait le DJ, puis il aimerait bien ça revenir nous voir. On va voir si ça peut s'arranger à un moment donné. Ben oui, ça serait le fun. Puis en plus, tu veux, il a mis une équation mathématique dans sa signature. Il est écrit 1 plus 1 égale 2. Ouais. Quand même. Et quelquefois, ça fait 11 aussi. Géant, le poète, on l'aime beaucoup. On le salue dans sa contrée lointaine dans l'ouest de... Valleyfield. Sinon, ben moi, j'en parle rapidement. Je suis allé faire une belle ride à Rouyn pour le documentaire. Ça a été très plaisant. Je suis allé enregistrer un podcast aussi. Et dans la plus peu tradition de douteux.org, il m'a dit il y a une présentation de vidéoclip demain. J'ai dit, ben, j'en ai plein, moi, y aller. Fait que là, j'ai donné mes clips. Mais finalement, c'était pas juste comme une diffusion, c'était vraiment un concours. Et il y avait 200$ à gagner. Et j'ai mis Vic le Berserker dans la section, dans la catégorie professionnelle, parce que on avait tous été très professionnels en le faisant. T'sais. Et finalement, on est arrivé troisième. C'est quand même assez. Ouais. Ben oui. Andy est venu sur le stage en parler avec moi. Peut-être la petite twist qui va remettre tout en perspective, c'est qu'il y avait trois films dans la catégorie des professionnels, par contre. Ah, okay. Mais je nous le donne pareil, on a été super bon. Sinon, ben vous êtes à 70% et je pense qu'ils sont en train d'amener l'invité tranquillement. Oui. Ça a l'air vraiment sécuritaire. Oui, je pense. Mais je pense que la corde qui est autour du cou s'est bénie d'une façon quelconque. Gentil, gentil. Il a l'air frais, hein? Non. C'est comme collant aussi. Tiens, on va y ramasser. On a un zombie. Moi, je me disais que ce serait peut-être une bonne idée d'avoir un zombie pour nous en parler, parce que présentement, c'est à la mode. Hein? Il y a toutes sortes de zombies. Est-ce qu'il y a un racisme zombie à l'intérieur des zombies? Parce que toi, t'as l'air plus de type George Romero. Puis si vous croisez un zombie de type 28 jours plus tard, genre, vas-tu comme avoir... comme les alligators pis les crocodiles, ils se mangent pas dans le marais, là. Brain. Ah, OK. Fait qu'il y a comme un consensus. Brain. Bienvenue chez Walmart. Ben oui, c'est chef du personnel en plus. Oui. Sinon. Ouais, hein. Je pense que je me sentirais plus à l'aise avec un bâton poké. J'aime mieux pas y toucher. Lâche le micro. Ouais, c'est vrai. On aurait besoin de l'autre bâton, voyez là. Peut-être poser une autre question importante. C'est évident que tu joues pas à Magic parce que le jeu a beaucoup trop de circonvolution vraiment intelligente. Est-ce qu'il y a de la jalousie au sein des zombies? Parce que là, il y en a comme pas mal qui ont une carrière à TV à cette heure avec The Walking Dead qui revient souvent et tout. Ah, ça, ah, je... Est-ce qu'il dort ou c'est peut-être un piège juste ouais. pour qu'on s'approche? Ça n'était qu'un piège. Bon, ben, vous autres, les gars, comment ça se passe de votre bord? Ça va. C'est-tu votre premier zombie? Oui. En vrai, là, ouais. Quand même, hein? J'ai traîné avec Ben et Junkie, mais c'est pas le même feel. Ouais, c'est pas le même genre de zombie. Ce n'est un chimique, toi, ton affaire. Il est plus le fun. Ben, je pense que tu sais comment ça marche, zombie. À partir de maintenant, tu vas pouvoir parler pour commenter les. À la hauteur de ton éloquence. Ouais, c'est ça. On a pris une belle petite photo. Je pense qu'on peut y aller avec le premier bloc de nouvelles, les gars, s'il vous plaît. OK. Le méchant dragon. Viens dans ton palais. Le méchant dragon vole tes dents de lait. Le méchant dragon. Et d'ailleurs, le zombie a très agréablement réagi à votre musique. Je pense que ça va bien se développer. Il a dit la même affaire qu'il dit d'habitude. Ouais, mais merci il de casser avait la magie. Il a dit ça en écoutant Mika aussi. Ouais, bon. On essaie de comprendre l'animal aussi, là, quand même. Moi, c'est mon premier zombie, moi aussi. Là. C'est pas vrai, on avait déjà eu un petit dans le temps. Vas-y, c'est Bruno, amène-nous au monde de l'univers. Oui, récemment, l'acteur américain Matthew Perry, vous vous en souvenez, a raconté à l'émission de Jimmy Kimmel avoir pété la gueule de notre sauveur à tous, Justin Trudeau, lors d'une bagarre à l'école primaire à Ottawa, il y a plus de 35 ans. Ne faisant ni une ni deux, notre maître spirituel est sauté sur son compte Twitter afin de répondre à l'ancien ami de la série américaine Ami, afin de lui proposer une revanche. Trudeau, comme on le sait, boxe dans un film une fois. Il est donc en confiance. Perry aurait décliné l'offre, affirmant qu'il préférait ne pas se battre contre quelqu'un qui a une armée à sa disposition. Effectivement, Trudeau peut conjurer une armée d'anges à sa disposition. C'est vrai, c'est vrai. Oui, le 14e cœur des chérubins. Exactement. Quand même, Ben, de bonnes nouvelles. Ah oui? J'aurais dit oui, moi, à sa place. Moi aussi. Come on. Battre contre Trudeau. Ben ouais, tu vas juste te faire des contacts. Là. C'est pas obligé d'être long. Hein. C'est vrai. Ah, mais j'avoue que l'autre, s'il perd, c'est quand même... Je comprends qu'il jouait plus que juste un match de boxe. Là. Anyway, Brazo aussi, il l'a regretté. Ah, tu connais. C'est vrai. Des policiers du Nouveau-Mexique ont reçu une alerte dans un bloc appartement où ils ont trouvé un véhicule volé et stationné devant le bloc. Quelques minutes plus tard, deux hommes sont sortis du bloc appartement et sont entrés dans le véhicule. Les policiers ont suivi les hommes qui se sont rendus au palais de justice, sont sortis du véhicule pour entrer dans le bâtiment. L'un des hommes devait se rendre sur place pour recevoir sa sentence pour vol de voiture. Les hommes ont été arrêtés pour vol de voiture. Son cœur, hein, Chris? Toi, zombie, t'aurais pas agi de même, c'est sûr. Hein? Non, zombie. Il fait signe que non. Next! Oui, quand un homme de Bono au Nouveau-Mexique a ouvert un colis rempli de 5 livres de pelules, il a réalisé que 1, c'était pas son colis et que 2, c'était de la méchante drogue. L'homme a donc apporté le colis à son poste de police. Les policiers ont ensuite appelé la destinataire originale du colis afin de lui dire de venir récupérer son colis au poste de police. Hey, ils sont rusés en tabarnak. Ce qu'elle a fait. Oh! La femme est accusée de trafic de stupéfiants. Ben là, mais oui, non, le mal était fait. Là. Oui, oui, oui. C'est ça, c'est juste qu'ils n'ont pas eu besoin de se déplacer. La madame y est allée. C'est ça. C'est probablement le bout qui est le plus con de toute cette histoire-là. Là. C'est que la madame est allée. Ouais, oui, c'est le bout le plus con de toute cette histoire-là. Je suis d'accord avec toi. Je suis content qu'on s'entende sur le bout le plus con de toute cette histoire-là, Tony. Merci, Bruno. Ça nous amène à la fin de ton premier bloc. Oui. Hey, Bruno Corbin, mesdames, messieurs, on l'applaudit. Ben oui. je commence à l'apprécier. Ouais, ça se loue-tu des fois d'un party? Non, tout doux. OK. Non, on passe au prochain. Chroniqueur. On passe au prochain chroniqueur. On passe au prochain chroniqueur. On passe au prochain chroniqueur. On passe au prochain chroniqueur. Qu'est-ce qui se passe? C'était donc bien hot, ça. Merci, les gars. Salut, Tommy. Bonsoir. Ben oui. Je vais vous apprendre quelque chose, mais je suis un spécialiste du paramental. Et pour ceux qui se demanderaient qu'est-ce que le paramental, eh bien, para, étymologiquement, vient un peu comme parasite de à côté de. Donc, paramental, ce serait comme à côté de la traque. Ce soir, je vais vous présenter l'étendue de mes talents de paramentaliste. Mais avant, j'ai capté une question de l'auditoire par télépathie. Ça vient à peu près de ce coin-là, là-bas. Là. Je le sens. On me demande la question, est-ce qu'être paramentaliste, c'est la même chose qu'être charlatan? À cela, je répondrais non, car derrière le charlatanisme, il y a l'idée de faire de l'argent. Et moi, je ne fais pas ça. Je suis à un autre niveau. Je commencerai par un premier tour. J'aurais besoin de quelqu'un pour piger une carte. On peut peut-être prendre le zombie, il est très impartial, lui. Je me réserve le zombie pour plus tard. En fait, j'ai besoin de quelqu'un qui a plus de neurones. Tiens, moi, je suis prêt. Ou Georges, peut-être? Georges? Non, il est plugué, lui, puis tout. J'aime pas ça que ça soit dans la participation du public. Ah. Pour pas que c'est important, parce que sinon, on pourrait dire que... j'ai une mademoiselle ici. Ah, OK. Oh. Toi aussi, t'as vécu ma déception, Marianne. Donc, tu vois que ça, c'est un paquet de cartes. Tout ce qu'il y a de plus paramental. Je vais demander de piger une carte au hasard, celle qui te plaît. Faut pas que je regarde, tu me la montres pas. Tu peux la montrer au reste du bar. C'est important. Pendant ce temps-là, je vais regarder de l'autre côté. Est-ce que tout le monde a vu la carte? Pas moi, mais c'est correct. C'est bien. C'est important de partager des choses. Pour mon deuxième tour... Fait que ça, c'est un tour que tu peux faire 52 fois avec le même paquet. Je vais me concentrer. Pour mon prochain tour, je vais devoir sonder l'inconscient de quelqu'un pour essayer de deviner son opinion la plus fondamentale sur un sujet. Et j'ai choisi le sujet de la rémunération des cadres de Bombardier. Et pour me donner un peu de défi, comme je disais tantôt, je vais aller essayer de sonder l'âme de zombie. Oh. Mais pour ça, je vais avoir besoin d'un petit accessoire. OK. Tu fouilles dans ta poche. Ça, c'est un neuron crosser. C'est comme une antenne et ça me permet d'augmenter la capacité de réception de communication intersynaptique. Je vais le partir un peu. Ah, voici, il y en aurait vendu plus qu'en 2008-2009 de ça. D'accord, je pense que je suis bien channelisé. Donc, je vais essayer de deviner son opinion sur la question. Sur la rémunération des dirigeants de Bombardier. Bombardier est un fleuron de l'économie québécoise. Et c'est important de rémunérer les cadres à sa juste valeur pour être compétitif au niveau international. Je vois pas quelle autre cassette aurait pu faire jouer. Je pense qu'il y a eu un problème, Tommy. J'ai dû mettre mon antenne en mode avion. Parce que ça, c'était... c'était l'opinion de Bellemare, ça. Yeah. Ben, faut pas oublier que c'est un zombie aussi. Exactement. Donc, en tout cas, j'étais connecté, c'était trop fort. Tommy, j'aimerais ça que tu regardes ma montre. Perle pas des yeux. Elle est belle, hein? C'est un cadeau que j'ai eu. Pour finir la soirée, le tour le plus important, donc je vais revenir à la carte de mademoiselle. J'aimerais que tu viennes ici à côté de moi, ça va être plus simple parce que le micro il est là. Tu peux monter, tu peux y faire une petite place. Regarde le public. Oui, tu peux te masturber le cerveau si tu veux. Ça aide à channeliser. Là, en ce moment, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de deviner la carte que vous avez tous vue, que je n'ai pas vue, par une communication paramentale. Donc, dans un premier temps, j'aimerais ça que tu penses au numéro de la carte et ensuite que tu me dises si c'est un cœur, un carreau, un trèfle ou un pic. Mais dans ta tête, on n'utilise pas la parole ici. Donc, je vais essayer de la deviner tout de suite. J'ai l'impression qu'il se passe quelque chose. Il est en train de lui flatter les tempes. Il se laisse imbiber. Si tout va bien, je crois que le chiffre de la carte, ça serait un 3. C'est un test. Je pense que ça peut être long, hein? En tout cas, c'est proche de 3. C'est... On va réessayer. J'aurais dû essayer avec le zombie, finalement. Les pouvoirs mystérieux, hein? Il y avait comme un 8, quelque part. Ou un 9. C'était un 9. La morale de cette histoire, c'est que les pouvoirs paramentaux existent. Ça marche existe. Pas tout le temps. Pas tout le temps. C'est très ça. C'est comme il dit dans Family Guy, là, James Bond, là, il dit 13 no and a yes means yes. Fait que, faut assez de persévérance. Merci, Tommy Colin Vallée. Merci beaucoup. Vive le paramental, allez voir le site internet. C'est sûr. Hein? HTML, pas de photos. Prochain chroniqueur. Prochain chroniqueur. C'est la première fois que je me fais accueillir de même. Bonsoir tout le monde. Salut Andy Jean. C'est un bail, hein? Crime, oui. Pourrais-tu utiliser ton pouvoir de paramentaliste pour faire monter la... Non, il faut que tu te débrouilles. Puis que tu fasses... Comment ça va? Ah, c'est... T'as pas répondu. J'attends. Non, mais je focussais avec le zombie. Là. Ouais, moi, d'ailleurs, c'est quand même une priorité. J'ai écouté Walking Dead hier. Je suis un petit peu déçu parce que t'es... Les zombies sont maintenant très, très sous-représentés. Dans Walking Dead? Dans Walking Dead, il y en a beaucoup moins. De moins en moins. Oui, je suis pas mal déçu. Ben, ça fait une trotte que je suis... La dernière fois, je pense que c'était l'année passée que je suis venu. Et je me suis dit que j'allais revenir, ben, parce que j'ai le temps, particulièrement. Et on a passé un beau voyage à Rouen. Ben oui, t'es allé à Rouen. Parc aller-retour. Ouais, c'est moi qui ai fait le retour. J'ai rien appris, mais j'ai fait vite aussi. J'ai fait mon parc très rapidement. Moi, j'ai pas le temps de niaiser avec les préliminaires de parc. Fait que, moi, c'est direct dans le trou. T'as peut-être appris que t'avais pas le temps de niaiser avec ça, Yandy. La morale, est... le parc, c'est pas... Ben, je le savais déjà dans ce cas-là. Vous savez qu'il y a maintenant 2 semaines déjà que La Chicane a sorti son album, son nouvel album. Je sais pas si vous étiez au courant. En tout cas, l'album n'est pas sorti, il y a au moins l'extrait. L'extrait de la dernière chicane, de La Chicane. La nouvelle toune de l'été, selon moi. Ouais, la nouvelle dernière chicane de La Chicane. C'est ça. J'ai eu l'occasion de mettre la main sur un des extraits d'un des nouvelles chansons de La Chicane. Puis je l'ai dans mes mains. Est-ce que vous voulez l'entendre, entendre les paroles? Oui. Puis après ça, si vous aimez ça, j'en ai une autre d'Éric Lapointe en plus. Ah non. Ouais. Une, ça va être assez pour asseoir. À moins que ce soit vraiment pas long. Je sais pas, on va voir. Ah, c'est ça. Encore une autre nuit amère à me chercher quelque chose à faire. Déjà 5 mois à essayer de ramasser ce que t'as laissé. tu me manques au calvaire. On a plein de choses à se dire. Je te vois encore quand t'es pas là. Quand il fait noir, c'est encore pire. On n'aurait certainement pas dû aller. Je te le sais, tu m'avais dit, je vais t'aider. On fera comme si tout allait bien. Mais viens donc me voir pour passer le temps. Tu me manques au calvaire. On a plein de choses à se dire. Je te vois encore quand t'es pas là. Quand il fait noir, c'est encore pire. Je suis pas ton exemple de confiance, mais j'ai bien le droit de prendre ma chance. J'entends de moins en moins tes mots. Depuis qu'il te pousse des ailes dans le dos. Tu me manques au calvaire. On a plein de choses à se dire. Je te vois encore quand t'es pas là. Quand il fait noir, c'est encore pire. Je ne vais pas leur dire, là, mais bis. Donc, tu me manques encore parce que c'est là, tu montes plus haut, genre. T'sais, quand... Fait que c'est ça. C'est une belle chanson. J'ai déjà hâte de l'entendre à la radio. Ouais, là, je pense, ouais. Je pense qu'elle était assez pas longue pour que tu fasses l'autre. Ouais. Ah, wesh. Ça, l'autre, je la trouve meilleure. Ben, en tout cas, pour toi. Toi, je sais que tu aimes beaucoup Éric Lapointe. Tu m'en as parlé en fin de semaine pendant que tu étais bien sous. T'en rappelles-tu? Oui, mais c'est pas vrai que je l'aime. Okay. Je me promène au gré des saisons, poussé par le vent. La vie nous fait la cour, on y croit, et pourtant. Quand on commence à s'aimer, on commence à se quitter. Ce serait trop cruel que notre histoire s'arrête, même si c'est loin d'être celle de Roméo et Juliette. Je suis membre viscéral, membre du règne animal. Si tu me trouves étendu un matin sur le plancher, ça va fêter, on va rocker. Je te jure que ça va lever. Dans mon livre à moi, ça va fesser. Tu m'avais dit les mots les plus doux. Le loup voulait ma peau. Heureusement, tu changes tout. Allez, viens, je te paye une broue. Toi, t'as le cœur à la bonne place. Je fracasserai la mort et les années qui passent. Dans les brumes de ta bouche, je me suis réveillé. C'est une histoire banale. On vient de se rencontrer. S'il faut trancher sa peine pour partir sans regret, si tu veux te la payer, viens, je rends la monnaie. C'est comme du bonheur en bouteille, toujours aussi tendre que la veille. Oui, vive le cul. Vive le cul. On est donc beau tout nu. T'as eu ce que t'as voulu. Cette fois, je reviendrai plus. Mmh. Ben, c'est pas moi, faut applaudir, c'est Éric Lapointe, là. Fait que c'est ça. C'est tout simplement ça. C'est pour toi, c'est pour ta fête aussi, parce que c'est encore ta fête? Ben non, ça va aller vendredi. Moi, ça l'est on and off de plus en plus. Là. OK, parfait. On s'en va vers le off. Parfait. Ben, bonne soirée tout le monde, merci. Tu sais, quand Éric Lapointe, il dit je te jure, ça va lever, là. C'est-tu une histoire de poudre, là, qui. Peut-être. Ouais. Une histoire de pilule ouais, bleue. Ouais, c'est ça, il n'a pas réussi à. En tout cas. Ben, sinon, c'est la première voix. Ouais, la première voix. Ah, c'est apprécié. Bon, on est prêt pour le prochain. Qu'est-ce que je dis, là? Je dis, vous écoutez... Laisse parler ton cœur. Oui, ouais. Même, rappelez-moi le titre de l'émission. 70%. Ouais. Ben, c'est bon de même. Non, mais c'est juste moi de le demander avant. Ben oui. Alors, un indicatif. Alors, vous écoutez 70%, ici Philippe Schnob. Non, c'est pas bon, ça. Attends, bon, on peut le reprendre. On peut le reprendre, hein. Mais on va garder celui-là, mais on peut faire à croire. OK. Ben, ici Philippe Schnob, ça m'a fait plaisir de participer à 70% et sachant qu'on peut le réécouter et écouter aussi sur Internet, ben, ça me fera plaisir d'aller jeter une oreille à l'occasion. Bonjour, je suis le lutin Bertrand et pendant mes pauses de travail, j'écoute 70%. Alors bonjour public aimé, nous sommes en direct du vernissage de l'exposition de Bastien Donovan Pichet-Hutchison, un artiste montréalais à l'avant-garde de la peinture underground moderne. Parlez-nous de votre œuvre maîtresse s'il vous plaît, l'abîme sombre et inexpugnable du Me, Myself and I. Ouais, j'ai peint cette toile monochrome noire pour tenter d'exprimer la souffrance que je ressentais lorsque mon petit copain m'a quitté. Ce noir insondable est la représentation de l'épicentre métaphorique de cette incroyable douleur laissée par un amour, nouvellement à sens unique. En tant qu'artiste marginalisé de la nouvelle génération Pomo, je me reconnais incommensurablement dans ce vide, cette représentation du vide. Cet abîme qui me caractérise, les entrailles de ma vacuité. Oui, effectivement, merci Bastien, ça se sent très bien ici, l'exposition, je vais la finir. Et bien sûr, on a vos deux autres œuvres, La Belette et Le Siège. Et merci beaucoup d'écouter notre émission. Hey, merci, Mathé Luna. Mangez de la marde. Yeah. Wouh. Hey, merci. Vous autres aussi, allez-y, allez-y. N'ayez pas peur. Mangez-en. Un char. Hein? C'est comme ça. T'es retourné à l'autre bout du cycle. D'habitude, c'était aller chier, mais là, aller c'est manger chier, de manger la marde. Ben, je vous ai assez envoyé chier. Je pense qu'il y en a en masse pour vous en manger. C'est ça, là, il faut la... un bon char. Ça me fait penser... le musicien québécois préféré des zombies, Tommy? Oh, bonne question. Zombie, peut-être? Ce soir, je suis disponible. Quel acteur? Bon, c'est Brain LeBeuf. C'est Brain LeBeuf. Calmez-vous, là. Asti, hein? J'ai pas enlevé un morceau de linge, c'est tout excité. Je vois vos têtes et ils sont très durs. Cette semaine, Tommy, je regardais le monde avec les oreilles basses puis leur impression d'être né pour un petit pain. Hein? Ça a pas l'air facile de vivre, hein? Non, les loyers coûtent cher, la bouffe est plus achetable, Walking Dead est fini, puis la voie vient de recommencer. Je le sais, la jauge à bonheur descend. C'est comme ça. Puis, c'est pourquoi que c'est comme ça? C'est parce que c'est la fin du monde. Mm-hmm. Et ça fait longtemps là, que c'est la fin du monde. Ça fait environ 2000 ans. C'est un long processus. Au moins un mois. Et 2 mois. 2000 ans et 2000. T'arrondis au mercredi prochain. Ça fait 35 000 ans. Écoute, ça fait tellement longtemps. Il y avait juste deux personnes sur la Terre et c'était déjà le bordel. Hein? Il y était deux. Il y avait qui? Il y avait Adam puis Janine Suto. Et là, malheureusement, elle est décédée, là, mais dans le domaine, on dit qu'elle est partie. Hein? Oui. Relever de nouveaux défis. Oui, relever de nouveaux défis. C'est ça. La légende dit qu'elle avait autour de 15 000 ans. Mais ça, on le saura jamais. On a passé son certificat de naissance au carbone 14, mais c'est pas fiable, ces affaires-là. Puis les ronds sont tellement petits dans ces tranches qu'on n'est pas capable de compter. T'sais. C'est ça. C'est fait sur un bout de calcaire. Ça a été trouvé dans une grotte. Bon. Anyway, l'être humain, on est curieux. Hein? Nous autres, on est curieux. Puis quand c'est le bonheur partout, puis qu'il y a des serpents qui parlent, ben tu veux en savoir plus. T'sais. Serpent te propose la connaissance. Fait que tu dis, tu sais, comme, allez, viens. Fait que là, tu croques le fruit, puis paf, dur labeur, enfantement, maladie, guerre, famine, décès, RDS. T'es comme... Hein? Tu sais, ça change. Tu sais, c'est fou! Là, pense-y. Ça doit surprendre quand tu vois le premier cadavre de l'humanité. Tout va bien, t'es immortel. Puis à un moment donné, du jour au lendemain, grand maclac, tu sais. Ben, Janine, ben, en tout cas, elle faisait semblant. Mais. Non, mais le premier cadavre, je comprends. Imagine le premier cadavre. Tu sais, là, à cette heure, on a hâte là, à l'invasion des zombies pour pouvoir se défouler dans de la chair putride. Là, parce qu'on est tous en crise. Mais on sait pas pourquoi. Fait qu'on veut taper dans le zombie. Parce que ça, c'est comme un BS. C'est facile de taper dedans. T'sais. Fait qu'on... Que t'as même pas besoin d'assurer. Ça se plaint jamais. Ça se plaint jamais. Puis tout. Puis t'as juste à viser à la tête. Puis après ça, tu peux passer un autre dossier. C'est capoté. Pis, mais la première fois que tu vois un mort, tu sais, ça, tu te le demandes, Tommy, hein? C'est quoi le sens de la vie? Bon. Mon fils, 8 ans, toutes ses dents, écoute, il roule des joints comme s'il avait écouté du Snoop Dogg toute sa vie. Il a pas écouté de Snoop Dogg toute sa vie, là. Fait que bon, il manque de culture, mais il a juste 8 ans quand même. Il vient me voir avant-hier, il vient me voir puis il me dit « Papa, pourquoi le hostie d'ancien maire de Montréal, on l'appelle encore monsieur? » Là, je voulais fesser dedans. T'sais. Je voulais fesser dedans parce que tu sais, tu dis pas « le hostie », tu dis « l'hostie hein? ». Mais bon, il y a 8 ans. Et il y a quelque chose aussi qui me retenait, c'était la fin du monde. J'avais un petit creux. J'ai dit « Fiston! » Fiston, c'est normal. C'est normal d'appeler un trou de cul monsieur. Aujourd'hui, on est en 2017, c'est comme ça que ça marche. Hein? Monsieur Applebaum, monsieur Couillard, monsieur la reine d'Angleterre. Hein? Non, mais c'est comme ça. Donne un titre à n'importe qui, puis ça s'enfle l'amour propre. Hein? C'est comme ça. Puis, la grenouille veut être plus grosse que le bœuf. Voilà. C'est sûr. C'est comme ça. T'aurais dû voir les yeux de cet enfant-là. tout content, là, comme si son cœur d'enfant avait été apaisé de voir que ce qu'il voyait autour de lui, c'était pas le fruit de son imagination. Hein? Ouais. Il me dit, non, je suis sur le fruit depuis tantôt. Il me dit, papa, le monde, ils ont faim de la faim. J'ai dit, toi, mon petit clown. C'est là que j'ai tapé dedans. J'ai tapé dedans en temps. Ah ouais, le kid, faisant des farces, mon petit tabarnak. Pour qu'ils comprennent, hein, que l'humour, c'est un excellent moyen de canaliser la souffrance. C'est la pire vision glauque de la vie. Ah ouais, fais-moi rire, tabarnak. Ouais. Mais c'est toujours dans un but d'apprendre. C'est pour son bien à lui. C'est pour son bien à lui, certainement pas le mien. Mon père, tu sais, la souffrance. Mon père, il disait, la souffrance, c'est pour les handicapés puis les juifs. On se calme. Il disait, c'est les handicapés puis les juifs. Mais il faisait référence à un terrible préjugé, Tommy, hein, c'est vrai. Tu sais que c'est pas tous les handicapés qui souffrent. Faut faire attention. C'est vrai. Ouais. Il y en a, non, mais c'est vrai, il y en a qui renversent même la vapeur, puis c'est nous autres qui en souffrent. Check petit Jérémy. Ouais, c'est ça. La chicane. Non, mais ça ressemble à de la musique, mais non. Non. J'y repense encore, mais non. Pensez-y, vous allez voir, ça va être non. Si près du but. C'est comme un livre à colorier vierge. Ben c'est ce que je disais avant, ouais. C'est un barbeau maladroit dans un bon livre. Ouais. La chicane. On les encourage. On les encourage, c'est sûr. Ils ont des guitares, ils ont des tatouages, ils font des spectacles sur des grosses scènes, puis non! En tout cas, en terminant, je prendrai pas plus de temps. J'en ai déjà pas mal pris. Je le sais, c'est pas donné à tout le monde, la souffrance, hein. Certains vont même penser là, que c'est tout à fait inconcevable pour eux autres même de faire du mal à quelqu'un d'autre. N'ayez crainte. Rien n'est perdu. Vous pouvez vous aussi faire du mal aux gens. Comme la Bible dit, hein, tout le monde a le droit à une deuxième chance, excepté une fois au chalet. Hein, pour ceux qui n'ont pas de chalet. Et c'est pour ça que je te propose, à toi, dans le bar, à la maison, hein, sur les internets, un petit truc bien simple qui englobe bien la souffrance de la Terre, c'est le mensonge. Je te le propose. Hein? En premier lieu, à toi-même. Comme mode de vie. Là. Un mode de vie. Ouais. Te mentir. Mens-toi à toi-même, le plus que tu peux. Puis après ça, tu vas voir, c'est très, très, très facile de mentir aux autres. Hein? Tu vois, c'est super. C'est un complexe amalgame là, de refoulement. Mais tu vois, c'est intéressant. Puis un petit truc pour vous aider, si vous ne savez pas trop comment, vous vous dites, ah, je ne sais pas comment mentir, vraiment, ben, écoute la TV, lis le journal, écoute les politiciennes, cette petite gang de trous de cul. Merci beaucoup, Mathieu. Ah, y a Amélior, c'est final, c'est ça qui a poté. Comment ça se passe à date, ton premier 70%, zombie? Bien, aller chez Walmart. Ouais, c'est fait. Let's go, messieurs. Le prochain chroniqueur. Chroniqueur. Zombie! Le zombie a perdu tous ses cheveux. Ben, c'est un bon âge pour perdre tout ça, là. T'as dû. Salut, Marianne. Un bon applaudissement pour le zombie. Yeah! Il est un petit peu mal commode, mais là, il est allé danser, c'est correct. Là. Ah, Walmart, c'est un peu mort, hein? Oui. C'est le plus loin qu'on puisse dire. Bonjour, Tommy, comment tu vas? Ça va très bien. Il n'y a pas trop de danger. Si je reste ici, je me ferais pas manger le bout de cerveau. Non, ça a l'air correct. Là. Anyway, leur cerveau ont l'air pas mal plus dodus. Ah, ben oui. T'es en train d'essayer de dire quoi? Ben, je sais pas. Ils sont gros. On est en train de parler de cerveau ici. Ouais, c'est ça. Hey, Tommy, je suis ici pour te parler de bonheur. Encore? Ah oui, mais écoute, le bonheur est une source intarissable de plaisir et de bonheur, justement. C'est, ça le dit, le mot le dit, bonheur, t'as le goût d'être là, tu sais. Ça va me faire du bien, là. Ben, yeah. Hey, Toi, qu'est-ce qui te met de bonne humeur, Tommy? Eh ben, je suis en train de penser à l'arrêté qui a été signé aux States dernièrement qui fait que maintenant, ils peuvent vendre nos informations privées aux compagnies. Crime, c'est vraiment long ta réponse. Mais j'étais vraiment en train de penser à ça. Puis ce qui me rend heureux, c'est qu'il n'y ait plus ça, genre. C'est une bonne chose. Moi, moi aussi, j'en ai un. OK. C'est quoi? Éjaculé. Ben justement, tu touches à quelque chose, Bruno. J'aime vraiment ça. C'est le cas de le dire. Effectivement, assez souvent. Surtout quand t'éjacules. Ouais. Non, mais je suis là pour de vrai pour vous parler de graines. Ah! Hein, le bonheur! C'est le printemps, en plus. Ça passe par les graines. D'ailleurs, j'ai été à la fête des semences au Jardin botanique. Puis j'ai acheté des graines de toutes parts du Québec, des trucs biologiques qui poussent super bien. C'est vraiment cool. Et là, j'ai installé des lampes UV. Je fais pousser ça chez nous. C'est tellement magique. J'ai des toutes petites asperges. Ils sont grosses comme ça. Là, écoute, la calendule, ça pousse. Et en enfer, l'échinacée, tout ça. Tu sais, là, il est encore un peu tôt. Calendule? Oui, calendula. Ouais, ça existe, ça? Ouais. Je peux traiter quelqu'un de calendule, genre? Ah, c'est un très beau compliment, sérieux. Pour de vrai? Hey, non, mais écoute, moi, une des plantes que j'ai plantées, c'est de la mélisse. La mélisse, là, pour de vrai, là, changement de saison, les enfants, là, ça fait du bien. C'est un tonique nerveux. C'est une carminative. Et c'est une plante digestive extraordinaire. En fait, ça t'aide finalement à pas faire de pète, à mieux digérer, puis c'est ça, à être heureux. Yeah. Non, c'est quoi le nom déjà? J'aime pas ça péter, par exemple. Ah, OK. Ben ça, il va peut-être toujours t'en rester parce que tout sent mauvais. Cool. Ça s'appelle de la mélisse. La mélisse. Ouais. La mélisse, c'est extraordinaire. Merci. Ça va être inscrit sur le site Internet, c'est sûr. Yes! Hey, mais sinon, continuons de parler de bonheur. Est-ce que j'ai le temps de faire une chanson? Ben oui. Ouais. Yes! Comme c'est le printemps et que je souhaite le bonheur à tout le monde, j'ai une petite chanson de bonheur pour vous, Mateluna. Celle-là est juste pour toi. Merci. Oh. Hey, Mateluna qui a fait son lancement d'album il n'y a pas si longtemps, hein? Oui. Hey, partout, Montréal, ça vaut la peine, hein? C'est un bel album, beaucoup de travail là-dedans, les amis. C'est vrai que la pochette est jolie. Mais il y a du talent quand même. Le graphiste, ouais. On est optimiste. De la mélisse, hein? La mélisse. Alors, je vous fais ça. C'est un petit reggae, hein, pour nous mettre dans l'ambiance estivale parce que c'est le printemps! Ouais! Ouais, mais t'avais dit reggae avant, fait que c'est rough. ça va pas avec le printemps, le reggae? Non, c'est juste parce qu'il rappelle le mood, tu sais. Ah! OK, je m'excuse. Je recommencerai plus jamais ça. J'ai plus fait froid pour souper. D'accord. Un reggae! Let's go, commence. Là, on va garder tout pour après. On m'entend-tu? T'es le brouhaha? Il y a des jours comme ça où rien ne va. Où rien ne va, alors je chante en m'en allant pour faire sourire les passants. De les voir heureux me fait me sentir mieux. C'est que hein. Je m'oublie un peu, j'arrête de m'en mêler dans mes propres pensées. Je tourne la page et c'est bien plus sage. Si tu n'aimes pas la vue à droite, regardons à gauche, dis-toi que la vie est belle, qu'elle mérite qu'on profite d'elle. Je ne dis pas de ne pas voir, mais bien de prendre conscience. Si tu n'aimes pas la vue à droite, regardons à gauche, dis-toi que la vie est belle, qu'elle mérite qu'on profite d'elle. Je ne dis pas de ne pas voir, mais bien de prendre conscience de l'infinie beauté dont nous sommes entourés et d'en profiter. Oh oui, alors pa pa la vraie pa pa ouais ouais oui alors pa pa pa pa bomba bomba ouais. Je sais bien que les forêts tombent, que les rivières s'achètent, qu'il y a des sacs sur les rivages, que sur les rêves il y a des bombes qui tic tac au rythme où va le monde, qu'à force de courir, on oublie comment marcher, et que pour sauver le monde, il faut d'abord s'aimer. Ah! Depuis que je marche lentement, j'apprends à prendre mon temps. Je regarde les choses pousser, les papillons s'y poser, je me dis qu'on a beaucoup, beaucoup trop de choses dans la tête, qu'il faut pas s'arrêter à ce qu'on peut pas changer, et que le secret des gens heureux, c'est juste de faire de son mieux. Si tu n'aimes pas la vue à droite, yeah! Mais regardons à gauche, oh, dis-toi que la vie est belle, qu'elle mérite qu'on profite d'elle. Je ne dis pas de ne pas voir, mais bien de prendre conscience. Si tu n'aimes pas la vue à droite, ah, ah. Mais regardons à gauche, oh, dis-toi que la vie est belle, qu'elle mérite qu'on profite d'elle. Je ne dis pas de ne pas voir, mais bien de prendre conscience de l'infinie beauté dont nous sommes entourés et d'en profiter. Bah oui, alors. Je ne dis pas de ne pas voir, mais bien de prendre conscience. Ah oui, alors. Je ne dis pas de ne pas voir, mais bien de prendre conscience. Yeah! Bonne soirée tout le monde. Merci Tommy. Merci les roues. Avec plaisir, yeah, Mariam. Ça va nous ramener sur scène un instant. Bruno, comment ça se passe, toi? Il y a une affaire que je veux jaser. OK, c'est bon. Parce que le Canadien a confirmé sa présence en série. Calice. Oui. Moi, je veux le dire haut et fort. Ça me tape vraiment ses nerfs parce que j'ai l'impression que c'est la période de l'année où tous mes concitoyens virent fous pour la même affaire en même temps. Et... c'est sûr que c'est un prétexte de joie, mais c'est une entreprise mercantile et ça me fait chier. J'aimerais qu'il y ait le même genre de vigueur dans d'autres affaires. Toi, zombie, toi pis ta gang, comment ça se passe, le hockey ou... Brain, brain, brain, brain, brain, brain, brain, brain, brain, brain, brain, brain, brain, brain, brain, brain. Welcome to Walmart. Ouais, je pense que ça met un beau terme à ce que j'essayais de maladroitement dire. Let's go, les gars, on passe au prochain. Hey, bonsoir tout le monde! Il y avait des jazzans! C'était malade! On avait des jazzans jusque dans le fond là-bas! C'était fou, ben raide! Hey, bravo les gars, merci! Je veux que vous sachiez que de toutes les bandes que je n'écoute jamais, vous êtes mon préféré! Je sais pas comment me sentir vis-à-vis ça. Ça vient du fond du cœur, je le pense. Voilà. Ça joue sur ma bipolarité en ce moment. On fera une track tout à l'heure, y a pas de problème. Alors, sur ce! Oh, yeah! m'a te la régler ta bipolarité. Okay. Hey, bonsoir les gars, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu dans le cadre de 70%. Hein? Ouais. Je suis de retour, vous pouvez maintenant applaudir. Tuer le beau gros. Tommy, Bruno, je voulais aussi saluer votre invité. Ben oui. Madame Bombardier, big fan, vraiment. Je suis vraiment content, gros respect, je suis content que vous soyez là. Toujours aussi éloquente d'ailleurs, c'est magnifique. C'est parfait. J'ai hâte de vous lire dans le journal demain, Madame Bombardier. Alors, sur ce, je suis ici d'abord pour vous parler de la playlist de ce soir qui va suivre. J'en parlerai pas beaucoup, on va en parler plus tard, mais j'ai pilé sur mon orgueil et lui aussi, j'en suis presque sûr. Et on s'est unis, moi et Simon Cussonnet, France-Amérique, unis ensemble dans la liberté, la fraternité et la stupidité. Et on a préparé une playlist en ce sens qui, j'espère, vous plaira. Vous êtes entraînés plutôt que la guerre froide. Oui, on s'est unis. Hein? Ouais. C'est ça. On a décidé d'appeler ça comme ça. Liberté, fraternité, stupidité. C'est important. on l'a fait ensemble. Ça va fesser. Mais je suis aussi venu vous parler de quelque chose de très important parce que ça fait quand même longtemps que je suis pas venu faire de chronique ici. Il s'est passé énormément de choses dans le monde depuis... Hein? Trois WrestleMania. Genre. Mais là, on va parler de quelque chose de très important. Il y a un événement historique qui s'est produit. Là, je mets mon petit drapeau aussi parce que c'est beau chez vous, mais c'est mal décoré. Fait que. Faut. Et voilà. Comme ça. Hein, ça, c'est beau. Alors, voilà. Il s'est passé un événement politique, diplomatique majeur, d'envergure. une surprise, hein, quelque chose que personne n'avait jamais vu venir. Et j'ai bien sûr parlé de la défaite d'Undertaker à WrestleMania hier. Tu parlais de politique, on savait c'était ça. Ben, en fait, c'est que c'est extrêmement politique. Vous comprenez pas l'ampleur de la bombe qui est tombée sur Orlando hier. C'est encore Vince McMahon qui est méchant, là? Ben, Vince McMahon, on le voit plus, ben. Là, ce qui s'est passé, en fait, c'est que la Undertaker, hein, qui est le personnage mythique que même les hipsters qui écoutent pas de lutte parce qu'ils sont trop hot, connaissent. Tommy, hein? Ça, c'est tout le monde, hein? Ça, c'est tout le monde. Ouais. Sauf quelques exceptions. D'ailleurs, je t'ai déjà parlé de mon projet politique, parce que moi, je trouve ça aberrant que les gens qui écoutent pas de lutte dans la vie aient le droit de vote. Je sais pas si c'est votre cas. Est-ce que vous avez le droit de vote? Oui! Est-ce que vous écoutez la lutte? Oui! Ah ouais, ça va mal dans le monde, mais on sait pas pourquoi. Ben non, on sait pas pourquoi. Continuez à pas écouter de lutte puis à voter. Hein? Ça va régler des affaires. T'as fait une corrélation, là. Ben moi, j'en suis sûr que c'est ça qui fait que ça va mal dans le monde. Je pense que c'est clair. Non, Bruno, t'as pas l'air d'accord avec moi. Écoute. Pourtant, un intellectuel de ta trempe. Je sais. Ben, en fait, moi, j'écoute pas la WWE, mais je regarde le Lucha Underground, par exemple. Si, mais toi, ton vote devrait être double, quand même. OK. Fuck! Ton vote devrait être double. Après la Première Guerre mondiale, la population de cigognes en Europe a radicalement diminué. Ça, c'est vrai. Non, mais je disais là-dessus. En même temps, les naissances en Europe ont radicalement diminué. Fait que ça prouve que les cigognes amènent les bébés. Que le droit de vote puis la lutte devraient être liés. C'est vrai. Ça prouve hors de tout doute. Merci, Tommy. Ça me fait plaisir. Non, mais hein, on va parler, pour vrai, hein, de Trump un peu, quand même. Ouais. Parce que... Non, mais parce que... Déjà, parce qu'il va en avoir dans la playlist, je vous le dis. Attelez-vous, parce qu'on m'a dit il faut mettre des vidéos ridicules. J'ai tapé Donald Trump. J'en ai pour 3 heures. Oh shit, minimum. Non. Mais j'en ai mis quand même pas mal. Moi, ça m'a quand même choqué. Il y a des gens qui ne croient pas, là, parce que la majorité des gens pensent que j'étais content et que je voulais que Trump rentre. C'est à cause de mon linge. Le monde me juge à cause de mon linge, Godette. Ouais, tu cours après solide. À peine. C'est pas si, mettons, tu mettais une fois de temps en temps d'autres choses. Là, il y en a qui appellent ça un costume. Moi, j'appelle ça un uniforme. Ben, c'est ça. C'est chacun ses valeurs. Hein? Hein, chacun ses valeurs. Mais ça m'a quand même choqué. J'ai pas su. J'ai même failli abandonner la cause. Honnêtement, j'y croyais plus au système. Puis je me disais, les gens fâchés dans ce pays-là sont trop fâchés. Puis on peut plus leur parler. On sait plus quoi faire. Mais je me suis dit non. Tel l'Undertaker, hein, qui a su gagner pendant au moins 30 ans avant de perdre. Hein? Oui. C'est ce qui est quand même bon. J'espère qu'il prend pas sa retraite. Ben, il prend sa retraite. Écoute, si tu t'avais vu, Godette, non, mais c'était magnifique. Ma blonde a pleuré parce qu'on a une relation spéciale, OK? C'est pas vos affaires. Bon. Mais c'était magnifique. Écoute, il y avait des éclairs dans l'aréna. Tout était en mauve. Il a laissé ses gants dans le ring, son chapeau, c'était malade. Puis il est disparu dans la fumée, dans la nuit. Ah, il est retourné dans les plaines. Ben, c'est la mort vient de prendre sa retraite puis de dire c'est plus moi qui va vous tuer, je m'en retourne. Puis tout le monde était triste. Tout le monde était triste. Ben, parce que ça, la mort, on en a besoin, Godette. Pense-y 2 secondes. Ah, ça, c'est une morale à 2 cents, ça. Ben là, à date, tant que personne n'a remplacé Undertaker, effectivement, Andy, il n'y a personne qui meurt. Fait qu'on est chill. Ça va durer un petit bout. Fait que c'est ça. Je pense que ça va être ça, Godette. C'était ça? C'était ça. Parce que tu sais, OK. C'était juste pas content. Je pensais que t'allais parler du fait que Trump est le seul président américain qui a été intronisé dans le Wrestling Hall of Fame. Ben oui, et qui a fait beaucoup de luttes lui-même, qui a été impliqué dans un match, un billionaire fight contre Vince McMahon. Il a déjà rasé la tête de Vince McMahon. Il a déjà rasé la tête de Vince McMahon. Il s'est aussi fait insulter par Steve Austin, ce qui, dans le milieu, est une marque de respect. Oui, ça c'est sûr. Your tight ass is mine. Ça voilà. Veut dire qu'il t'aime. Non, mais c'est surtout quand Steve Austin t'insulte, c'est ben t'es fait, ta popularité est faite, t'es correct. Ouais. Ah. Quand il te donne son attention, en fait. Voilà. C'est comme pour généralement te dire qu'il se crisse de toi. Oui, c'est ça, exactement. Ah, mais tu sais, chercher de l'attention négative, hein, c'est ça que tu fais quand t'es lutteur. C'est le premier paradoxe en lutte, c'est sûr. Alors, sur ça, mais la morale, là, parce que, hein, on jase, mais la morale, c'est que je n'ai pas abandonné la cause. Alors, soyez rassurés. Fait que ça veut dire qu'on va te revoir des fois, puis tu vas quand vous allez avoir besoin de liberté, viendrez me voir, j'en ai des poches pleines. Va t'asseoir, man. Merci beaucoup. Toto Lavigne, mesdames, messieurs. Si on vient heureux, on passe au prochain. Les nouvelles bientôt. Les nouvelles bientôt. Le gars des nouvelles s'avance par ici. C'est qui? Nouvelle, il est déjà assis. Voilà, j'ai compris. Merci. Voyons, il est où le gars des nouvelles? Le téléjournal avec Bruno. Donald Anthony Watson a plaidé coupable à des accusations de possession d'armes à feu criminelles après avoir menti à la police suite à un incident au cours duquel il s'est tiré dans le pénis. Lorsque questionné, l'homme de 43 ans a affirmé qu'un gars noir lui avait tiré dans la graine alors qu'il sortait ses vidanges. L'histoire crédible que les policiers ont quand même investigué, surprenamment, ils ont trouvé des fragments de balles et des traces de coups de feu dans le lit de l'homme qui a finalement avoué qu'il examinait l'arme et l'a mis dans sa poche. Et puis là, il s'est tiré dans la fourche. Tu vois, il a utilisé son deuxième amendement pour montrer à son pénis que c'est important que lui soit protégé contre les guns, fait que ça y prenne un gun, genre. Oui. C'est bon. Puis ça y prenne un noir pour son histoire aussi. Ben, ça, c'est... Pour... Tu sais, s'il avait dit un chinois, tu sais, déjà... Ça aurait moins... Non, ça. Là, tu sais, je sais pas pourquoi, c'est ça. Let's go, next! Oui, voulant se venger de son ancien amant, Janice Smith, 45 ans, a décidé d'entraîner des écureuils afin qu'ils attaquent le dit ancien amant. La victime... James Robinson, 51 ans, aurait été attaqué par les rongeurs à plus de 10 reprises, souffrant de blessures graves incluant la perte d'un doigt et d'une testicule arrachée par les animaux. Il semble que Smith soit une ancienne dompteuse de lions et que sa compétence en la matière se transpose dans les écureuils. La police de Détroit a trouvé 12 cages, 27 écureuils, ainsi que 2 mannequins d'entraînement avec une photo de la face de la victime tapée dessus. Dans l'appartement de la femme. La femme a confessé son étrange vengeance et a été accusée de harcèlement criminel et d'avoir utilisé des animaux comme arme et fait face à une peine maximale de 65 ans de prison quand même. Elle a utilisé des animaux comme arme et c'est 65 ans de harcèlement prison. Harcèlement criminel plus. Ok, ouais. Tabarcris, mon gars. Ouais. Fait que ça a marché, ces écureuils. Oui. Mais ben... là, ils sont comme brainwashed tout le temps. Là. S'ils entendent le mot Mexico à un moment donné, genre, ils vont sauter pour les couilles les plus proches. Je suis pas sûr exactement comment ça fonctionne. Ouais, moi non plus. Enfin, yes, c'est zombie. Il est vraiment gossant là, à la fin du show. Let's go, vas-y, fais un autre. Oui, dernière nouvelle. En Chine, un nouveau système de reconnaissance faciale permet aux toilettes publiques de contrôler la quantité de papier de toilette. Comme beaucoup de toilettes ne contiennent pas de papier et ce qui pousse les gens à en prendre plus pour la prochaine fois qu'ils iront aux toilettes, la ville de Beijing a décidé d'utiliser le logiciel qui ne donne que 60 cm de papier toutes les 9 minutes après un scan facial. 25 milliards de yuan ont été investis dans cette nouvelle technologie, c'est-à-dire environ 4,8 milliards de dollars. Il aurait pu... oui, je le sais, il aurait pu acheter du papier de toilette. Je capote en tabarnak! Mais ça, ça aurait pu être une bonne nouvelle, ça, je pense. Pour assurer à tous les Chinois un postérieur et un clé, en tout cas. Ouais, avec beaucoup, 60 Bruno. Cm de papier. Là, je te jure. No brain! Ouais, c'est pas mal ça! Merci, Zombie! Ça nous amène à la fin de l'émission. Merci beaucoup, Bruno. Merci infiniment à Zombie. Vous irez voir Elvino Valley sur YouTube. Ça vaut la peine. Sinon, un merci particulier à notre équipe de techniciens, le très joyeux Alexandre Larocque et Stéphane Mallette et Olivier Godette. Ce soir, aujourd'hui encore, on a réglé un gros problème qui nous boguait. La chose s'en va dans la bonne direction. Je t'aime, Alex. Sans toi, rien de tout ceci ne serait possible. On fait un petit 5 secondes de silence pour Alex. 5 secondes de silence. Et là-dessus, on écoute notre house band, les fabuleux Matt et Luna, qui viennent de lancer leur album. Allez voir leur Bandcamp ou sinon taguer Georges sur Facebook. Il est aussi tout le temps prêt à vous aider depuis qu'il a entendu la toune. Quelle toune? On est le web. Oh! Nous sommes Internet. On est des blancs, on est tous en sphère. Let's go, chantez! Merci, merci. Fait que c'est ça, on a un album à vendre en copie physique ici et ou sinon sur Internet, Bandcamp, Google Play et les autres plateformes que tout le monde connaît. Celle-là est pas dessus parce qu'on veut être bavin un peu. C'est sur un fait divers que vous connaissez tous. Je monte à l'étage pour tirer les enfants. De tirer les enfants. Je monte à l'étage pour tirer les enfants. De tirer les enfants. De tirer mes enfants. Alors je redescends le temps de boire un verre, avoir les idées claires pour mieux les endormir. Et même si pour l'instant j'ai le cœur à l'envers, quand viendra le moment, je ferai ce qu'il y a à faire. Alors je remonte à l'étage pour tirer les enfants. De tirer mes enfants. Alors je remonte à l'étage pour tirer les enfants. Charger mon arme et trouver une excuse. Une fois devant le juge, quand je plaiderai ma cause, je verserai une larme, prétexte une psychose. Alors je remonte à l'étage pour tirer les enfants. De tirer les enfants. Alors je remonte à l'étage pour tirer les enfants. De tirer les enfants. Mais oui, voyons, je sais, je lève le cran de sûreté. Le cadre se lève, je prends un oreiller et je l'étouffe avec. Et quand l'on se réveille, je lui explose la tête. Alors je suis à l'étage et j'ai tiré les enfants. De tirer mes enfants. Alors je suis à l'étage et j'ai tiré les enfants. De tirer les enfants. Vers de la place. Vers de la place, un bon. Vers de la place, un bon. Vers de la place. Le lave-glace stérilise les imperfections. Fait que c'est ça. On va en jouer une dernière qui non plus est pas sur l'album. Mais il y a des bonnes chansons sur l'album si vous voulez l'acheter sur Google Play, Bandcamp. À nous, ici, Étienne porte un soute, il est fiable. Il est fiable, il est fiable. Qui ne porte jamais de culotte, qui frotte sa plotte sur le premier qui lui paie de quoi se saouler. On dit qu'elle sort à toutes les nuits et ramène des hommes dans son lit. Un à la fois et parfois deux, elle en prend autant qu'elle le peut. Ya la la la la la la la la. Elle en prend autant qu'elle le peut. Ya la la la la la la la la. Elle en prend autant qu'elle le veut. Suzy, ouverte du soir au matin. Suzy, elle dirait oui même à son chien. Suzy, elle a du puits dans son vagin. Suzy, toujours une bête entre les reins. Toujours une bête, toujours une bête. Toujours une bête entre les reins. Toujours une bête, toujours une bête. Toujours une bête entre les reins. Des peurs de foutre, qu'elle a des boutons plein la croupe et que tous ceux qui la lui broutent finissent la langue couverte de croûte. Paraît qu'elle la prend dans le cul, même qu'on peut lui pisser dessus. Et mûr à quoi qu'on puisse lui faire, c'est le rêve de tous les pervers. Ya la la la la la la la la. C'est le rêve de tous les pervers. Ya la la la la la la la la. C'est le rêve de tous les pervers. Suzy, la faute du cul par excellence. Suzy, avec elle tout le monde a sa chance. Suzy, elle en a toujours plein la pente. Suzy, synonyme de concupiscence. Synonyme de, synonyme de. Synonyme de concupiscence. Synonyme de, synonyme de. Synonyme de concupiscence. Sans le dire à personne, elle passa sous le bistouri. Elle qui aimait tellement les hommes voulut en devenir un aussi. Depuis chaque fois qu'elle sort en ville pour assouvir ses appétits, elle préfère le parfum des filles et les messieurs, ce n'est plus pour lui. Ya la la la la la la la la. Les messieurs, ce n'est plus pour lui. Ya la la la la la la la la. Les messieurs, ce n'est plus beau. Johnny, c'est le roi de tous les tombeurs. Johnny, regardez le briser des cœurs. Johnny, avec ce sourire de charmeur. Johnny, on voudrait tous être comme lui. Il a le tour avec les femmes. Johnny, tant de panache et tant de charme. Johnny, c'est lui le chéri de ces dames. Johnny, on voudrait tous être comme lui. Oh oui, c'est tout un homme. Oh oui, c'est tout un homme. On voudrait tous être comme lui. Oh oui, c'est tout un homme. Oh oui, c'est tout un homme. On voudrait tous être comme lui. Donc on vous remercie beaucoup d'avoir été là pour 70%. Merci encore à 70% de nous avoir invités. Vous êtes super. On vous aime d'amour. Merci beaucoup. On reste là pour le film. Ça va être été. Comme d'hab. Merci. Cette fois-ci, ça va être tout. Si vous voulez plus de Maté Luna, allez sur le Bandcamp de toute beauté. Merci beaucoup. On les applaudit. Non? Oh, merci à vous. À partir de maintenant, on passe à la deuxième partie de la soirée, c'est-à-dire le set de VJ. On en a deux, ils sont là-bas. Les deux ont du poil au menton et ils sont fiers et volontaires. On a appelé ça tantôt liberté, égalité, stupidité, là. Fraternité, quelque... non, c'est celui qui a été changé. C'est ça, stupidité all the way. Je vous laisse prendre le contrôle, messieurs. On est avec vous à partir de maintenant. Je viens vous reparler dans quelques minutes, pour ne pas dire deux heures, de l'excellent long-métrage de ce soir, L'Homme hologramme, avec Evan Lurie dans le rôle d'un cyborg. Voilà. Bonsoir à tous, bonsoir à tous et bonsoir à tous surtout parce que c'est très important. Bonsoir à tous. Je m'appelle Simon Cussonnet et je suis avec Monsieur Toto. Bonjour Toto, ça va? Bonsoir, ça va très bien. Comment ça va, brouhaha? Yeah! Tout le monde à poil sur les plages cette année. On va vous équiper en bouchon pour pouvoir procéder car c'est la condition sine qua non pour passer un beau moment au brouhaha, comme vous le savez. On vous revient tout de suite. Tu veux participer à l'évolution de Productions Podcast? Deviens partenaire et contacte les Productions Podcast en visitant la page Facebook Productions avec un S, Podcast, P-O-D-C-A-S-S-E, ou écris-nous à podcast@icloud.com. Fais partie de l'aventure Productions Podcast. Pour plus de détails, visite podcast.com. Alors, Patrice, comment envisages-tu la prochaine saison du Canadien? Ah, c'est sûr que le Canadien de Montréal, c'est un rêve. Hein. J'ai joué 12 ans avec avec le Canadien. Et puis, c'est sûr que cette année, je me souviens que les Canadiens présentent une formation de patineurs. On espère que le Canadien... C'est sûr que toujours quand même une grosse touche de cœur pour le Canadien. C'est pour ça que je dirais le Canadien, c'est... Le Canadien s'est grandement amélioré pour la prochaine saison et que on leur souhaite le Canadien. Merci, Patrice. C'est pas drôle de sortir avec une duchesse. Et moi, ben, je suis le père de cet enfant terrible qui est Israël. Et moi non plus, je ne suis pas natif de Rouen et d'un village encore plus creux que ça, Val-Saint-Gilles, à côté de la Sorre. Qu'est-ce que vous écoutez là-bas? 70%. Ah, c'est ça. Comment ça va? À vous autres, je parle. Comment ça va? Wouh! Hey, c'est quelque chose. On vient de vivre un set de VJ. En tout cas, moi, c'était une montagne russe. J'aimerais, parce qu'il faut rendre aux Français ce qui leur appartient. Ça me fait chier autant qu'à toi, mais bon, c'est ça, il faut le faire. Je mentirais en prenant la moitié du crédit. Mesdames et messieurs, la playlist que vous avez vue ce soir... À part le fait que moi je criais ici pis que j'y ai donné une douzaine de vidéos, c'était tout lui, fait que j'aimerais ça qu'on lui donne, come on! Merci Toto, et je l'ai nourri et il a été très content, et bah merci, c'est cool, merci. Je te laisse voilà. Faire ton boulot. Alors c'est, écoute, il a travaillé fort, moi j'ai fait semblant de travailler fort, ça compte, come on. Ok, hey, je suis accompagné... de la plantureuse, quoique peu volumineuse, Mathieu Boudreau! Mathieu Boudreau, pour ceux qui suivent un peu, au niveau de nos personnages, on est des amis naturels. Dans la vraie vie, on s'aime pas, mais nos personnages sur scène se côtoient. Je pense qu'on peut le dire, on peut dire les choses. On peut dire les choses, il n'y a pas de problème. On est là pour... parce que... Hein, mercantilisme oblige. On est là pour vous vendre des cossins! Et je pense que à toutes les fois qu'on le fait, on redéfinit le mot cossin, je pense. Là, tabarnak. Alors, il s'agit d'un lot de 5 VHS, c'est-à-dire 4 planètes des singes. Il nous en manquait, fait qu'on a rajouté Iron Monkey. On s'est dit, c'est thématique, hein? Voilà. C'est que là, au lieu de se prendre pour Charlton Heston, ben, il fait du kung-fu, le singe. C'est autre chose. Alors, voilà. Il s'agit de 5 VHS en chair et en os, en vrai plastique. Tout est là. Si t'as une machine pour les lire, on peut presque garantir qu'elle fonctionne. Elles ne sont probablement pas rembobinées, mais je paierai l'amende. Il n'y a pas de problème. OK? c'est ça. C'est 5 cassettes. Moi, je passe ça à 2 piastres. Je suis quand même généreux. 2 piastres. C'est parti. 3. 5 piastres. 5 piastres. Là, c'est 1 piastre la cassette, là, quand même. 6. 10 ou 6? 6. OK, c'est bon. Il est calme, quand même. Il n'est pas trop en boisson. T'es-tu en boisson? Tantôt! Oh, tabarnak, c'est pas arrivé, mais c'est prévu. J'aime ça. 6$ une fois. 6$ deux fois. 6,75$, c'est bien parce que c'est tout Marc-André, parce que ça passe pas d'habitude, ça. OK? T'es mieux d'avoir le change exact, en plus. 6,75$ une fois. 8! 8$ une fois. Non, je peux pas aller dans les moins, je suis désolé. Combien, 8? 8$ deux fois. 8$ trois fois vendu. Ça, Tommy, c'est deux repas chauds. C'est quand même quelque chose. Là, qu'est-ce que t'as trouvé en arrière de toi? Ça, c'est comme une BD dont vous êtes le héros. En fait, c'est un kit pour faire ton propre comic book. Make your own comic book. Ça vient avec un crayon, hein, ce qui est déjà beaucoup. Il est neuf. C'est la preuve que tous les gens qui ont possédé l'objet s'en sont crissés à date. Sors-le donc. Qu'on puisse checker c'est quoi un peu. Fait que c'est ça, tout est là, les étapes pour arriver vers son propre comic book. Il y a même de quoi pour faire des cases, hein? Ça c'est magnifique. C'était mint, mais on l'a ouvert parce qu'on savait pas c'était quoi. Fait que on l'a scrappé à valeur, mais c'est pas grave. Je parlais de cossin, hein? Le mot cossin était quand même choisi, je pense. Alors, est-ce qu'il y a des gens qui ont, tu sais, un peu de... Peut-être qu'on peut sauver un futur Hitler en lui donnant la chance de dessiner, esti, puis de... Hein? De s'exprimer, puis de nous crisser patience. J'ai coupé la piste. Dessine, puis sac nous patience. OK. Fait que 1$, voilà, c'est parti. Marc-André, il est déterminé à nous donner de l'argent ce soir. Ça va arriver. 4, tu peux pas t'auto-raiser. 6! 6 une fois! Ouais, Marc-André, pousse-le! 6 deux fois! Je peux me dépluguer tranquille. 6$ trois fois vendu! En passant, j'ai juste vu deux T7 de VJ, ils sont tout le temps. Merci beaucoup. Et là, on fait. Tu veux y aller? Ouais, on se garde? Et on est parti. Hey, on fait un lot de plus que prévu, ça vous tente-tu? On défonce, si on défonce, Thresh. Parle-moi quelque chose. OK. Alors, ça, c'est un beau chandail. Qu'est-ce qu'il y a dessus? Un orque, me dit-on. Je sais pas. En fait, c'est un chandail de test de psychanalyse. Voilà. Alors, vous... C'est ce que tu veux. Hein? Si c'est ton mononcle, ben, je te conseille d'avoir une conversation avec ta mère. Voilà. Quelle grandeur, oui? Médium? Un médium Bangladesh. Fait qu'un small, OK? Je t'ai entendu, Marc-André, c'est parti. 1$ une fois. 3$! 4! 5! 6! 7! Hey, Marc-André, come on! 7$ une fois! 7$ deux fois! 7$ trois fois vendu! Et là, on arrive à la pièce de résistance. Il y a des gens qui suivent Douteux depuis un certain temps dans la salle, hein? Peut-être? Oui? Ça vous autres que je parle? Si je vous dis géant, ça vous dit quelque chose? Non, pas tigre géant, juste géant. Géant, croyez-le ou non, il a réussi à mettre ses tunes sur du plastique physique. Et là, il le vend. Mais nous, il nous l'a donné, puis il l'a signé. Et nous autres, vu que c'est un cadeau signé, personnalisé pour nous, ben on va te le vendre. Ça vaut quand même de l'argent. Il y a des gens là-bas qui savent combien ça vaut. J'aimerais ça qu'on aille un chiffre. Ben, c'est sûr que, tu sais, en bas de 20$, on se fait tout fourrer. Fait que, mais on peut commencer à combien, t'as dit? 2? 2? 5? 6? Marc-André, il y a 7$. Tout le monde est conscient de ça. OK. 6$ une fois. 7! C'est chien. J'ai 8. 8 là-bas? OK. 8 une fois. 9! 10! 10 une fois. 11. 12. Oh, calique. Le sens du spectacle, j'aime ça. 12$ une fois. 13$. Et non, mais 15, c'est 2 semaines de craft dinner. 13$ une fois! 13$ deux fois! 15$! Non, non, mais c'est des petits plaisirs de la vie, mais manger chaud, c'est quelque chose, OK? 15$ une fois! 15$ deux fois! Malade la musique de background en passant, man. 15$ trois fois vendu! Hein, comme c'était un cadeau, on appelle ça rentrer dans son argent. OK. Écoutez, c'est tout pour moi. Merci beaucoup d'être là. Je sais pas. Merci. C'était mieux d'être fake. Mesdames et messieurs, je vous laisse sur ce. Bonne soirée. Je vous laisse en très bonne compagnie. J'aimerais qu'on lui donne une grosse main d'applaudissement. Monsieur Tommy Godette! Merci Toto. C'est vraiment un plaisir de te revoir avec nous. D'habitude, quand t'es là, l'encan rapporte 1000% plus, genre. Tu vois, hein, on est mercantile, on fait confiance à nos meilleurs. On va se lancer dans une vraie aventure, et pour fêter ça un petit peu, j'ai sorti un texte que j'ai fait jadis pour écouter l'homme hologramme. Donc, bilan de la première journée. En passant, on est autour de moins 8. C'est vraiment de la bonne daube. C'est vraiment juteux. Bilan de la première journée de Décoda. Déjà, le gars s'appelle Décoda. En tant que flic, 2 points, plus de 30 morts. Chacun dépourvu d'instinct de survie. Il perd aussi son partenaire. Une arme non réglementaire. Un gouverneur abattu. Un ennemi personnel en la personne du psychopathe peu crédible qui jure de venger le meurtre de sa blonde. Vous allez voir, il y a des tweets rapidement aussi. On aime ça, les tweets, on dort bien. Et un peu plus de 20 explosions de chars, camions, autobus, carrosses de bébés et autres. Tout est suivi par une séquence de sexe gratuite qui réinvente l'inutilité. J'étais drôle dans le temps, hein? Comble du hasard, la babe que Décoda traîne dans son lit depuis est une scientifique qui travaille avec le père de la fille, en tant que responsable du programme d'hologramme de la police. Outre son impression de déjà-vu constante, le plus grand chef-d'œuvre de ce long-métrage et de ses artisans, c'est d'avoir réussi à réutiliser dans plusieurs films différents les mêmes séquences, la plus célèbre étant l'explosion de l'entrepôt portuaire et des policiers qui sortent de leur véhicule qu'on a vu aussi dans RoboFlick 2 et dans RoboFlick 1. Je sais pas si tu sais, mais c'est vraiment quand même un peu cabochon de... On s'est compris. Oui, voilà, on a aussi l'église qui nous est dans RoboFlick 2. L'église, on l'a vu dans des films de John Carpenter, c'est à peu près là-dedans que ça passe au complet le Seigneur des Ténèbres. Et je veux dire, toute son époque d'acteur de soutien dans des longs métrages a tranquillement pas vite pris de l'âge. Et l'église a été définitivement détruite par Pépin Méry qui la font exploser dans RoboFlick 2. C'est pas le film d'asseoir, mais on respecte son travail à l'église. En fait, les producteurs, et ça, c'est pas une blague, ils s'appellent Pépin et Méry. C'est même pas une joke, c'est Richard Pépin et Jared Méry. Et les deux, c'est des gars qui se sont retrouvés dans leur amour pour faire de l'argent en faisant des films. Et quand tu coupes les coins ronds de leur manière, ça va bien faire de l'argent. Parce que tu peux mettre la même explosion de la même entrepôt dans 4 films différents. Tu viens de sauver, tu sais. Donc, les producteurs Pépin Méry ne manquent pas d'imagination quand vient le temps de sauver sur la qualité pour gagner en quantité. Ça, c'est sûr. Quelle est la seule manière de vaincre l'homme hologramme? Parce que c'est le méchant. Également, que dire de ces effets spéciaux? Voyons, il y en a donc bien long de ça. Hey, c'est fou, hein? J'aurais pas dû me... Oui, donc, dans ce monde-là, quand tu te fais avoir par la police puis que t'es bien méchant, ils te transforment en hologramme. Là, ton corps est comme prisonnier d'un caisson de réfrigération et tu deviens un hologramme qui est reconditionné par des programmes informatiques de l'époque de Robin Stella. Jusque-là, tout est solide, tu sais. Et pour une raison qu'on comprendra jamais et qui est vraiment BS, même si on la comprend pas, c'est à ce point-là, c'est que le gars qui est en prison, un hologramme, va gagner le droit de venir dans la vraie vie. Et à partir de ce moment-là, on a un film en tabarnak, tu sais. Ça meurt, attachez-vous pas trop, les stéréotypes, tu sais, de bad cop qui veut plus avoir de partenaire parce qu'il a perdu le sien en mission. Ben oui, mais c'était ta première journée. Vous allez voir ça. Asti. Et un fait aussi, si on a un jeu à boire ce soir, à toutes les fois qu'on entend Norman, on boit. Ne m'appelle pas Norman! Ça veut dire deux gorgées. Et à toutes les fois qu'on entend « chier ». Parce que vous savez, quand il traduit « shit », ça devient « chier ». Et ça, c'est drôle. Puis là, il y en a une coupe de beau à soir. Donc, avec un grand plaisir, je ferme ma gueule. On remercie tous les techniciens, tout le monde. Merci à Simon Cussonnet, à Antoine, à Maxime, à Maxime. Merci à... Ah, il y a du monde que je vois pas sous ma gueule. On écoute l'homme hologramme, c'est-tu?